va sortir. Là, pour l'instant, il est... Comment ? Pour l'instant, il est juste au bord, mais il va sortir, il va venir tout près après. Il nous a sentis ou je sais pas quoi. Bah, j'ai fait du bruit. Oui, mais même avant, il nous a sentis. Quand tu fais yap, yap, yap comme ça, c'est pas du bronze, ça. Je vais.